بسم الله الرحمن الرحيم ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ذكرنا أننا دخلنا في التوابع التوابع des choses qui prennent l'irab des choses qu'elles suivent وذكرنا التوابع أربعة ما هي؟ التوابع الأربع نعت عطف بدل توكيد نعم après on a pris en premier lieu le نعت on appelle صفة également ما هو تعريفه متبوعه لبيان صفات من صفاته نعم après on a pris également المعرفة والنكرة ما هي المعارف الست معارف on a pris الضمائر اسم علم واسم إشارة واسم موصول اسم إشارة اسم موصول المعرف بال المعرف بال والمضاف المضاف للمعرفة نعم مضاف للمعرفة وعكسه النكرة كما ذكرنا كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد آخر Et c'est tout ism également qui accepte elle pour en faire un ma'arifa après qu'il était nakira. Al-an, ça n'a trouvé le fi al-ataf. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرومية باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء والثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع Donc là, maintenant, ils rentrent dans le nouveau tawabir, les choses qui prennent l'irab de ce qu'elles suivent. Donc, ils citaient après les 10 hurufs du atf, qu'on vient de citer là dans le mot. Et qu'on va évoquer une par une, inshallah. Quand on a fait charh, un nom à thani min tawabir al-ataf. Qu'on appelle al-ataf. قال تعريفه هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف donc c'est la chose qui suit on va dire le suiveur qui a été lié entre lui et la chose qui l'est suivie par un des حروف de عطف et entre lui Et la chose à laquelle il est attaché, harf atf. Parmi les 10 qu'on a cité là-haut. Plutôt à son 9 en vrai, sans pas 10. Mithaluhu, Ja'a Zaydun wa Amrun. Ja'a Zaydun wa Amrun. Fa Ja'a fi al-madi, mabni al-fath, la mahallahu ni'rab. Zaydun, fa'irun, marfu' bil-fi'r. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له للعلم. وعمر هذا on peut dire également, j'ai oublié de le dire, زيد c'est pas obligé. Maudit pour que tu saches, يسمى بالمعطوف عليه. C'est la chose sur laquelle le عطف revient. المعطوف عليه. Mais t'es pas obligé de le dire dans l'arabe. Le plus important c'est dans le deuxième. وعمر طيب ومعطوف على زيد ومعطوف على المرفوع مرفوع مثله المعطوف كي عطف شنو شو اسمه مرفوع Elle sera marfou comme lui. C'est les ma'touf sur un mansoub, elle sera mansoub comme lui. C'est les ma'touf à la majrour, elle sera majrour comme lui. Si elle est ma'touf à la majdoum, ça fonctionne aussi avec les af'al, elle sera majdoum comme lui. Ça va? Donc, celui qui vient après le haf ou atf, il prend l'arabe de la chose qui suit. Donc, aramat rafi'i, dans l'exemple, amr, ad-dhamma, ad-dhayra, al-akhiri. قال وحروف العطف على الصحيح تسعة. فامغاسن دو نف. Maintenant il va citer une par une. أحدها الواو لمجرد الجمع بين المتعاطفين. C'est pour lier entre les deux متعاطفين. La chose qu'on suit et la chose qui suit. C'est lié entre les deux. مثلا وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر فالشاهد هنا شمس ما يعرف شمس نائب فاعل نعم ابقى هي الواو كي بيان حرف عطف والقمر معطوف عليه على الشمس فمعطوف على مرفوع او عفوا معطوف المرفوع مرفوع مثله دونك الواو لا تفيد ترتيب. On dit waouh, tu dis مثلا جاء زيد وعم لا يلزم ان يكون زيد والذي جاء اولا. لا ما يلزم, c'est pas obligatoire que زيد soit venu en premier. Il se peut qu'il soit venu en premier, il se peut qu'il soit venu ensemble, ou il se peut que soit عم soit venu en premier. فهمت هذا ما يدل على واو تفيد الترتيب. C'est juste pour lier que un tel a fait telle chose et un tel également l'a fait. C'est tout. Athani al-fa. Litartib wa ta'qib. Justement, par contre, le fa, lui, vient pour l'ordre. Le premier est venu en premier, et ta'qib, que le deuxième l'a suivi directement. Nahu, thumma amatahu, fa akbara. Thumma amatahu, fa akbara. Donc en premier, bien évidemment, tu meurs et après t'enterrer. Ou taqul, ja'a Zayd fa Amr. Zayd il est venu juste après lui, Amr. Et on a dit le taqib, il est nisbi des fois. C'est pas forcément une seconde après, c'est nisbi, ça dépend de ce que tu veux dire par là. L'exemple qu'on peut donner, tazawwajat. مثلا هند فوضعت هند s'est mariée et elle a couché. Maintenant on sait très bien que c'est pas s'est mariée et le lendemain elle a couché, il y a un temps. Mais là on veut dire quoi par rapport à une vie entière? Ça s'est fait très vite en fait, directement après s'être mariée elle est tombée enceinte et elle a couché. ثم الثالث ثم تمام حرف ثم لترتيب والتراخي تفيد également l'ordre dans les choses. Et par contre thumma ça vient avec un temps, c'est pas directement derrière comme fa, on traduirait par ensuite. Tarkib ça veut dire sans forcément temps. Tarkib c'est ça enchaîne directement derrière. Il y a à dire là thumma il y a un temps entre le ma'touf alayhi ou le ma'touf dans l'action, on traduirait par ensuite. تقول ولي الخلافة أبو بكر ثم عمر. Comme premier lieu, c'est Abu Bakr qui a été khalif, ثم عمر. عمر est venu après lui. Et Abu Bakr, si je ne me trompe pas, c'était 6 ans, son khilaf. Donc, c'est, on ne traduirait pas ensuite. C'est-à-dire, جاء زيد ثم عمر. Zayd il est venu et ensuite Amr, c'est-à-dire un temps après. Arabi' au lid-dalalati ala ahad shay'ain, qui prouve le choix entre deux choses. Nahu ja'a Zayd ou Amr. Et on traduirait nous par où? Tu vas dire Zayd est venu ou bien Amr. C'est l'un des deux. Ou également, ça peut être le choix entre deux choses. Ça veut dire Tazawaj Hinden ou Uchtaha. Marie-toi avec Hind ou avec sa sœur. Le choix entre deux choses. Et là, Aou, c'est venu dans le sens du Shek, le doute également. Al-Khamis, Am. Am. L'italab est-ta'yin ba'd hamzat l'istifham. Tu désignes une chose, une question, avec Am. Nahu, uridu, afwan, azaydun, ja, Am, Amr. Est-ce que c'est Zayd qui est venu ou bien Amr? Et Am, yati fi l'istifham. Am, yati fi l'istifham. Contrairement à Aou. Donc, tu veux dire, est-ce que tu veux ceci ou bien cela? Fa'una, Zayd al-Martoufun Ali, wa Amr, wa al-Martouf, wa Am harfu atf. Al-Sadis, bel, l'idrab, wa wa al-Iarad amma kablaha. L'idrab, c'est-à-dire bel vient pour ajouter. En tout cas, changer le jugement de ce que tu as dit auparavant. Ça change ce que tu as dit auparavant. La fin d'accord, Dia Amrun Bel Zayd. C'est-à-dire, Amr est venu, dire plutôt Zayd. Ou des fois, ça peut être un ajout. Tu dis une chose, Akel tu mesalen Khubza Wahidan. Bel Khubzayn. Ça n'annule pas le khubz que tu as mangé en premier. Mais tu dis, en fait, un deuxième en plus. Il y a différents ma'ani qui viennent là-dedans. Des fois, ça vient faire un ajout, comme tu l'as dit. As-sabi' la. Là, attention, c'est la, harf, atf. C'est plus al-jazima, al-nahiya qu'on a pris auparavant. Qala li nafi al-hukm an al-ma'touf. Ma ma'naha? Négation du jugement sur le martouf. Nahu, jalasa al-ulama, la as-sufaha. Ah non, j'ai mal lu. Jalis al-ulama, la as-sufaha. Fréquente les savants et non les faibles d'esprit. Donc là, on a, là c'est harf atf. Utakul, akaltu al-khubza, la as-samaka. J'ai mangé le pain et non le poisson. Thumma al-thamin lakin lakin bi sukun en nun. Différence entre l'autre qu'on a pris lakinna et là c'est lakin. Les deux ont un med. À un moment dans un ders dans Kitab Medina 2, j'avais fait une erreur. Il dit que la différence c'est qu'un il n'y a pas de med. Les deux ont un med. Il ne s'écrit pas mais il se prononce. Tu dis lakin, tu ne dis pas lakin. Tu dis lakin. Et l'autre dit lakinna. Les deux, ils prennent un med. Et les deux, c'est le même sens. Mais ils n'ont pas le même travail. Là également, yakul, l'istidrak. Kama khazna. Nahu, ja'a, afwen. Ma ja'a amrun, lakin zayd. Amr n'est pas venu, c'est pas dans zayd. Comment tu différencies entre les deux? Awalen hadi khafifa. Il n'y a pas de fatha et une sukun. Il n'y a pas de shadda. Et l'autre, il y a une phrase qui vient derrière. Un ism et un khabar. Celle-ci, ma'alzem, vient derrière quoi? Un atf. Un ma'touf, on va dire. Et le ma'touf, ça peut être un ism, ça peut être une phrase. Comme là, مثلا, yakul, ma ja amrun, lakin zaydun. Et tu peux dire, wa lakin zaydun. Ma akaltu al-samaka, walakin al-khubza. Je n'ai pas mangé le poisson, mais plutôt le pain. At-tasir hatta. Hatta. Donc là, hatta, قد ذكرنا هذا في باب النواصيب أن حتى لها عدة معاني. نبقي غاية وتعليل. لما نصي حرف عطف دفوة ثبت حرف جر دفوة ثبت حرف ابتداء يقول c'est pour lier entre les deux mutaatifain. نحو يموت الناس حتى الأنبياء. Que les gens meurent et même jusqu'à même on va dire les prophètes. فهمت المعنى هنا؟ أو تقول مثلا exemple de مجرور سلمت على محمد حتى مثلا على زيد. Mais là, on a répété la harfoujar. Tu peux dire hatta zayd, kadalik. Et même l'NBA. Ou on dit même jusqu'au NBA. J'en meurs jusqu'à l'NBA. Même lui meurt. Kadal ma'na. Donc là, NBA, il est ma'touf de nas. Mais on a dit hatta, c'est subtil. Fahim ta'ala. حتى différents معاني. قال وعد ابن أجروم من حروف العطف إما نحو جاء إما زيد وإما عمرو. Que إما lui l'a rajouté en disant soit زيد est venu ou soit عمرو. إما يقال كذا. والمذهب الصحيح في إما هذه إنها ليست حرف عطف وإنما هي حرف تفصيل والعاطف هو الواو. En réalité, le droit عاطف c'est pas إما mais c'est le واو. في قولك جاء إما زيد وإما عمرو. فالعاطف en réalité c'est quoi? C'est واو, c'est pas إما. Après, il y a certaines choses qui viennent. مثلا, يذكر من شروط لا ولكن وأم وحتى وبل. Ces cinq حروفs-là n'ont suivi que par un اسم مفرد. Ce qui, en fait, rectifie mon erreur. Quand je dis لكن, une phrase peut venir, en fait, non. لكن, il n'y a pas de phrase qui vient derrière. Qu'un اسم مفرد. En réalité. Donc là, on rectifie. La, lakin, wa am, wa hatta, wa bel, ma ta'ti ba'daha illa ismun mufrad. Thumma qal, hukmu المعطوف بحرف العطف. C'est quoi le jugement du معطوف? قال المصنف الأجرومية فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. Donc là il t'explique que le atf, le jugement du ma'touf qui vient après le harf al-atf, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'irab du ma'touf alay. S'il est marfou, il sera marfou, misla. S'il est mansoub, il sera mansoub, misla. S'il est majrour, كذلك. Ou majzoum, كذلك. كما ذكرنا في الأول. قال في شرح, بعد أن ذكر المصنف أحروف العطف, أتبع ذلك ببيان حكم المعطوف بها, وأنه يتبع المعطوف عليه في إعرابه. كما ذكرنا الآن. فإذا كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا نحو قول الله تعالى وصدق الله ورسوله. Donc là, c'est le malade donne un exemple de معطوف مرفوع, c'est un معطوف عليه مرفوع comme dans le verset وصدق الله ورسوله. Le premier mot, c'est quoi? C'est un mot La ada dans l'i'rab, on dit bihasb ma qabla. Là, le shahid, c'est le deuxième. Donc là, sadaqa fi al-madi mabni ala fath. Lafz jalala, Allahuna wa fa'il. Wa harfu 'atf. Wa shahid wa rasuluhu ma'tufun ala ma qablahu wa huwa lafz jalala. Wal ma'tuf yatba'u al-ma'tuf 'alayhi fi i'rabihi. Tabi'u fi raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi adh-dhamma. Fa yuqal ma'tuf al-marfu' marfu' mithluhu wa 'alamatu raf'ihi adh-dhamma aw al-waw aw al-alif aw ma yanub 'an dhalik. وإن كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا نحو قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله هنا الاكزامبل دو منصوب ومن يطع الله ورسوله دونك لا شاهد معنى سي سي كوا من هنا نحن في الاعراب احنا با دون سول الفقه اسم الشرط مبني على السكون في محل ونوى في محل رفع مبتدا يطيع اداء فعل شرط مجزوم علامه جزمي السكون لا لا كسره تي مي بو تي كاسا كنين الف جلاله منصوب على تعظيم منصوب على تعظيم البس مفعول به تادبا لل لربنا يقال منصوب على تعظيم وحرف عطف والشاهد رسوله ورسوله معطوفون على ما قبله تبعه في نصبه وعلامات نصبه الفتحة والظاهرة على آخره قال منك الجار قال وإن كان المعطوف عليه مجرورا كان المعطوف مجرورا نحو قول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله Fais-moi l'i'rab de Aminu Billah. Aminu. Akada. Aminu. Aminu. Aminu. Aminu. Aminu. Billahi wa rasulihi. Aminu. Aminu. Ah, fouin, j'ai lu Aminu. Je crois que c'est faire Amr. T'as raison. Ah, fouin. نعم مبني على السكون في محل رفع فاعل على فعل نعم هذا بي Là, je voulais juste Amanou. Parce qu'en fait, au début, moi, j'ai lu Aminou et je voulais voir comment tu allais faire avec l'arabe du Fir'an. C'est pour ça. En fait, non, c'était Amanou, c'est Fir'an Mardi. Le Shahid, Rasoulihi, Ma'touf, Ala Makablahu, Tabi'ahu fi Jarrihi, Wa Alamatu Jarrihi, El Kasratu, et Zayra, Ala Khiri. Ça a été Fir'an. Vas-y, fais-moi l'arabe Aminou. Fir'an. Aïe, على السكون على الضم على الكسر على الفتح على الالف امنوا ايوه مبني مبني على السكون c'est pour ça que je voulais te demander parce que je savais que tu allais que tu allais au début encore te t'emmener les pinceaux fir am c'est quoi la règle mabni ala ma ala ma yujzamu bi fi mudari donc il est mabni ala مبني على او وي لو ديبي تا ريزون في الام مبني لو ريست لا في الام مبني لا كومونس سا غات في الام مبني ايوه مبني على ماذا انت لا دير بصح رجل على حرف ايوه على حرف ماذا حرف النون احسنت ايوه c'est pour ça que je voulais t'interroger pour voir si tu es encore dans la tête ou pas طيب après donne l'exemple du l'exemple que l'auteur a donné en, dans le jazm il est pas sahih لأنه قال وزيد لم يكن ولم يقعد et en réalité là c'est un atf d'une phrase sur une phrase et non pas d'un jazm sur un jazm parce qu'il a répété deux fois lam dans le matn وزيد لم يكن après قال ماذا ولم يقعد donc là en vrai lui il a voulu te montrer que tu as un atf d'un jazm d'un majzoum sur un majzoum mais en fait non son exemple il n'est pas correct car lam il est revenu deux fois. S'il avait dit Zaydoun lam yak'ud ou lam yakum ou yak'ud, naam. Mais là, il a redit lam. Donc en fait, c'est un atf d'une jumla sur une jumla. Fahimta hada? Un exemple, lui qui donne le shari'h. Wa in tu'minu wa tattaqu. Wa in tu'minu wa tattaqu. Fala, le premier tu'minu, il est majzoum, bi'in, c'est un fir short. Warmatu jazmihi, afun non. Wa harfu atf, wa shahid, wa tattaqu, ma'touf ala ma qablahu. Il est ma'touf à quoi? Un majzoum qui est devant lui. Fa alamat jazmihi, afun non kazalik. Donc l'exemple qui est correct qui dit c'est Zaydoun lam yakum wa yak'ud. Et là on ne pourra pas croire que c'est Zaydoun ne s'est pas levé et s'est assis. On ne peut pas dire comme ça. Pourquoi? Car yak'ud dit bien comment? Majzoum. Si on avait dit Zaydoun lam yakum wa yak'udu, naam. Yak'udu l'a été marfou là. Il n'est plus ma'touf. Ça aurait été quoi? Zaydoun ne s'est pas levé et s'est assis. Mais là, yak'ud, il est majzoum. Il n'y a pas de harf jazm devant. C'est-à-dire qu'il est martouf du verbe qui est devant, donc il prend le même sens. C'est-à-dire que Zaydoun, lam yakum, il ne s'est pas levé ni assis. Donc c'est l'irlab qui te montre là. Il n'y aurait pas eu l'irlab, tu ne pourrais pas savoir. Donc tu vois l'importance de la chose. Si on aurait dit yak'udou, ça aurait changé toute la phrase. Là, c'est-à-dire que si on était un fil marfou, c'est-à-dire, il s'est assis. Il ne s'est pas levé et il s'est assis. Donc aujourd'hui, on a pris huruf atf. Donc on a sahih ana tisa. Wala ashara. Wa ghazna asma'aha wa ma'aniha. Mafhoum hadha? Fa ila huna. Wa alhamdu rabbil alamin.